Radio Cantigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la case du week-end qui est donc de retour pour une deuxième saison. Nous sommes toujours en direct et on va essayer bien de se faire plaisir pendant cette émission, toujours avec de la bonne humeur, de la meilleure musique, des infos et des chroniques, notamment une chronique économique qui arrive dans la prochaine demi-heure avec Dominique Bayard. Dans la prochaine demi-heure également, et même dans moins de 5 minutes, votre horoscope pour tout savoir sur ce que vous réservent les astres aujourd'hui. Alors j'ai un petit problème d'écran, mais ce n'est rien, je vais me débrouiller comme ça, ça va pas être très très pratique. Que voulais-je dire? Ça commence bien cette émission. Déjà j'ai l'écran qui est totalement bugué, mais ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a des actus du numérique, comme d'habitude, après le flash de 10h30, dans ces premières actus du numérique. Eh bien, je vous proposerai de parler d'un nouveau capteur photo qu'a dévoilé Samsung cette semaine. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Eh bien, votre éphéméride, bien sûr, et les actus des médias. Ça, c'est le programme de la première heure de la case du week-end. Programme agrémenté, bien sûr, de la meilleure musique. Dans quelques minutes, sur Radio Antigone, nous allons écouter London Grammar avec How Does It Feel? Ne vous inquiétez pas, il y a un couplet, donc ce n'est pas aussi répétitif que ça. Sur Radio Antigone également, à suivre, Clara Luciani avec Eddie. Non, ne dis rien, et dis rien, de plus. Non, ne dis rien, et puis le premier classique de la case du week-end, puisque les classiques musicaux de la case du week-end sont bien toujours là, c'est un des rendez-vous phares de cette émission. Pour cette première heure, nous allons écouter cet excellent titre de Talk, It's My Life. Très très bon ce titre, et c'est pour cela que nous allons bien sûr l'écouter tout à l'heure dans la case du week-end de Radio Antigone. Cette case du week-end va donc commencer avec l'horoscope dans un tout petit instant, juste après, et juste le temps de s'écouter Arcade Fire. Voici Keep the Car Running sur la radio à vif. Merci beaucoup de nous rejoindre pour le retour de la case du week-end en direct jusqu'à midi sur Radio Antigone. Excellent réveil à tous. We'll be right back. merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Nous venons d'écouter Arcade Fire. Ça y est, ça recommence les prononciations de titres et d'artistes. Arcade Fire, Keep the Car Running. Et voici votre horoscope en tant que première chronique de cette émission, bien sûr. Et nous commençons par les béliers. Les béliers, aujourd'hui, vous risquez d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Les taureaux, eh bien, vous risquez de passer par une phase plutôt difficile à vivre en couple, pendant laquelle un intense besoin de liberté entrera en conflit avec votre besoin de sécurité et de stabilité. Les gémeaux, quelques efforts d'amabilité et de charme arrangeraient vos rapports avec vos proches. Les cancers, votre vie sociale sera active. Les lions, eh bien, tout va pour le mieux. Il est probable que vos rapports conjugaux s'améliorent considérablement. Les vierges, eh bien, rien à signaler côté santé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Votre résistance physique sera bonne et vous ne devriez en principe souffrir d'aucun trouble notable. Profitez-en, mais soyez tout de même prudent. Les balances, eh bien, la vie de famille sera stable et harmonieuse aujourd'hui pour vous, les balances. On continue avec les scorpions. Les scorpions, le secteur, eh bien, de votre famille sera plutôt bon. Et vous qui aimez faire de nouvelles connaissances, vous allez être servi. Les sagittaires, à présent, eh bien, il va falloir vous décider à mettre plus de compréhension et de tolérance dans votre couple. Sachez que votre intransigeance, est hors de propos. Les capricornes, eh bien, vous serez très très actifs aujourd'hui et vous allez même être soumis dans le domaine professionnel à l'influence de Mars qui vous poussera à prendre des initiatives. Les Verseaux, sur le plan financier, vous allez peut-être vous engager dans des affaires louches. Soyez donc prudent sur ce que vous engagez à faire. Et on termine avec les poissons. Les poissons, eh bien, journée très favorable pour vos amours aujourd'hui. Les liens déjà forts avec votre conjoint vont pouvoir être resserrés. Voilà pour votre horoscope. Excellente journée à tous à l'écoute de Radio Antigone, bien sûr. 10h, midi, la case du week-end. 10h19, dans quelques instants, à 10h23, nous écouterons Dominique Bayard pour Aujourd'hui l'économie. Dominique qui va nous parler économie comme chaque week-end dans la case du week-end de Radio Antigone. Mais pour l'heure, voici London Grammar avec How Does It Feel? Pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake. Do you think about me when you're all alone? When the tide comes in, tell me, where will you go? Do you think about us when you're feeling low? Do you think about us? How does it feel? How does it feel to feel love? I'll never make the same mistake. London Grammar, How Does It Feel sur Radio Antigone dans la case du week-end. Aujourd'hui, l'économie. Et nous retrouvons bien sûr pour aujourd'hui l'économie Dominique Bayard, qui est de retour de vacances. Quel plaisir de vous retrouver, Dominique. Alors Dominique, aujourd'hui, eh bien, de quoi parlons-nous ? J'ai perdu la feuille, c'est une très très bonne nouvelle, ça, c'est très très pratique. Aujourd'hui, je vous propose de parler, eh bien, de la Corée du Sud, puisque à Séoul, les députés ont voté ce mardi 31 août une loi brisant le monopole d'Apple et Google sur l'achat d'applications via téléphone portable. Cette loi, votée à l'unanimité, est une première mondiale et elle pourrait avoir des répercussions internationales, Dominique. Oui, alors pour l'instant, elle concerne les développeurs d'applis basés en Corée du Sud. Ils vont enfin pouvoir s'affranchir de ces guichets incontournables que sont aujourd'hui l'App Store d'Apple et le Play Store de Google proposés sur Android. Cela veut dire qu'ils seront exemptés de la commission de 30% exigée par les deux géants américains du net. S'ils ne se soumettent pas à cette loi, ils s'exposent à des sanctions financières assez sévères, représentant 3% de leur chiffre d'affaires sud-coréen. Des dispositions qui entreront en vigueur une fois la loi promulguée. Concrètement, cela ne change rien pour le reste du monde, mais la portée symbolique de cette loi anti-Google, anti-Apple est très très forte. Cela pourrait être le début de la fin d'un monopole âprement défendu par les deux entreprises. Oui, un monopole qui existe. De fait, combien leur rapporte l'exclusivité qu'ils imposent aux développeurs, Dominique ? Eh bien, c'est difficile de répondre avec un chiffre précis, puisque ni l'un ni l'autre ne communique sur le sujet. En revanche, on peut faire des estimations. Le chiffre d'affaires de l'App Store était de 64 milliards de dollars en 2020. Avec sa commission à 30%, Apple aurait gagné environ 19 milliards de dollars. C'est donc une source précieuse de revenus. L'App Store fait partie de la palette de services très très rentable que la marque à la pomme a développée autour de ses iPhones et de ses iPads. Les services sont aujourd'hui beaucoup plus profitables que les appareils. Les chiffres sont du même ordre pour Google. Et pour défendre ce pactole, évidemment, ils sont prêts à dépenser des millions, voire des centaines de millions. Oui, Apple a récemment baissé ses prix dans l'espoir de faire baisser la pression. Sa commission a été réduite de moitié pour les sociétés de développeurs réalisant moins de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et ces sociétés ont dorénavant la possibilité de proposer un moyen de paiement alternatif à leurs clients en les contactant ensuite par leur adresse email. Une décision quasiment indolore sur le plan financier pour Apple. Les applis émanant de ces entreprises à moins de 1 million de dollars sont les plus nombreux sur les étagères de l'App Store, mais elles ne représentent que 5% des revenus du magasin d'Apple qui fait son miel avec les jeux gratuits ou les applications de streaming. Alors les lobbyistes des deux géants du net ont signifié à la Corée du Sud qu'elle s'exposait à des mesures de rétorsion du gouvernement américain. Est-ce que c'est vraiment une menace sérieuse ? Alors d'après ces lobbyistes, la nouvelle loi sud-coréenne serait contraire au traité commercial de libre-échange liant les deux pays depuis 2007. Recourir à cette arme, c'est une décision très délicate pour l'administration Biden qui veut mettre fin à la toute-puissance des géants du net. Elle va donc y réfléchir à deux fois avant d'activer des représailles, d'autant plus que d'autres pays alliés des États-Unis, l'Australie, l'Union européenne préparent des textes similaires. Enfin, il y a aussi une bataille judiciaire aux États-Unis sur cette question. L'éditeur de jeux Epic Games a voulu contourner ce magasin monopolistique pour commercialiser son jeu Fortnite, qui a été immédiatement éjecté de l'App Store et du Play Store, d'où les procès en cours. Le jugement est attendu dans les prochaines semaines. Pour le patron d'Epic Games, la Corée du Sud, avec cette loi, est maintenant à l'avant-garde de l'Internet. Merci beaucoup Dominique Bayard avec Edouard Huplénois pour les questions. Dans une heure, nous retrouvons Atteint Lasage pour parler de miel sur Radio Antigone. Mais pour l'instant, eh bien, nous repartons en musique. Dans quelques instants, la météo ainsi qu'un point sur l'actualité, le flash, toute l'actu en deux minutes. Voici tout de suite Cassius, The Sound of Violence. Another night, another day. It's better this way. Let the music play. Oh my heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin. Mercury rising. I feel like I wanna be inside of you. The sun goes down, I feel like I wanna be inside you. When the sun goes down, yeah. Oh my heart, there's movement across the tracks. Hope it's up, let it back. Changing the way I feel. Step forward. Everybody around the world understands what makes a child a man. Yes, now I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, you more than I. Get around, come around, yeah, yeah. See you every night, hear the crowd. Sound of violence, shake it off. I feel like I wanna be inside of you. Sur Radio Antigone. Au rêve, c'est l'album dont est extrait ce titre de Cassius, The Sound of Violence, que nous venons d'écouter. Radio Antigone. Non, j'ai pas changé le top horaire pour cette demi-heure. Ce n'est rien, il est 10h30, quasiment 31. Radio Antigone. La radio à vif. Je vais me faire taper sur les doigts. Il est 10h31, voici donc un flash. Dans l'actualité ce matin, une nouvelle candidature à la présidentielle à gauche. Arnaud Montebourg devrait annoncer sa candidature cet après-midi dans puis la Vienne. L'ancien socialiste devrait dévoiler une partie de son programme. Des arrestations concernant les violences récentes à Marseille. Trois hommes ont été placés en garde à vue, parmi eux une figure du narco-banditisme, Kamel Mediani, qui serait à l'origine de plusieurs règlements de compte rien qu'au mois de juin. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour assassinat et trafic de drogue. Les milliers de sans-abri qui campaient situés devant la préfecture d'Île-de-France depuis 3 jours ont été évacués. Ils attendent à présent d'être mis à l'abri. Ce chiffre à présent, 5 ou 6 milliards d'euros, c'est le prix que devraient coûter les tests de dépistage Covid d'ici à la fin de l'année. Rappelons que ces tests deviendront payants dès la mi-octobre, sauf en cas de prescription médicale. Le but est notamment d'inciter à la vaccination. L'ONU va convoquer le 13 septembre prochain une réunion concernant l'aide humanitaire en Afghanistan. Elle se tiendra à Genève. Les Nations Unies estiment que le pays fait face à une catastrophe humanitaire imminente en raison notamment du conflit prolongé, d'une grave sécheresse ou encore de la pandémie de Covid-19. Voilà pour ce très très rapide point sur l'actualité. L'actualité qui revient bien sûr dans une demi-heure. 10h32, voici la météo. La météo, vous allez vous faire plaisir, la météo aujourd'hui, puisqu'elle est plutôt bonne. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai l'impression. Malheureusement, cet après-midi, eh bien, quelques nuages vont arriver, nuages et averses. Quelques orages cet après-midi avec localement de fortes pluies, malheureusement. Les nuages seront des Ardennes à Lorraine jusqu'à l'Alsace notamment, mais les conditions sont pour l'instant donc calmes et ensoleillées ce matin. Les passages nuageux dominent et des averses sont au menu partout ailleurs. En Corse, le ciel est encore dégagé, mais rapidement l'instabilité va se développer à partir du relief. Du côté des températures, les minimales sont quasi stationnaires, nous dit Météo France. 12 à 19 degrés en général, localement 10 à 11 degrés dans le Grand Est et le Massif Central, 17 à 20 degrés près de la Méditerranée, jusqu'à 22 degrés en Corse, de quoi bien terminer les vacances si vous êtes encore en vacances et vous avez bien de la chance. Du côté des maximales, elles vont de 21 à 25 degrés près de la Manche et du Massif Central et peuvent même atteindre 24 à 28 degrés sur le reste du pays ou même 29 à 30 degrés localement en Provence et en Corse. Voilà pour votre météo. Météo qui revient quand ? Eh bien dans une demi-heure également. La quasi week-end, c'est tout de suite pour la suite. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Espérons que je fasse une deuxième demi-heure tout aussi bonne que la première. J'espère qu'elle était bonne. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. La case du week-end est donc de retour et c'est ça qui est le plus beau. Voilà. Vous m'avez manqué, voilà, chers auditeurs. Ça m'a manqué de faire de la radio. Et c'est donc un plaisir de vous retrouver en direct chaque week-end ou presque en fonction de mes possibilités et de mes études. Priorité aux études cette année comme l'année dernière. Mais niveau de temps, je n'ai pour l'instant pas de visibilité sur le temps que je vais avoir pour préparer les émissions. La préparation qui est assez longue pour une émission. Voilà, une préparation assez conséquente. Surtout si on veut la terminer totalement, la préparation, ce qui est rarement totalement possible. En tout cas, elle est là pour ce week-end et c'est déjà bien, en direct jusqu'à midi avec dans quelques instants les actus du numérique. Je ne sais plus de quoi nous allons parler. Oui, on va parler d'un nouvel objectif photo dévoilé par Samsung cette semaine avec un nombre de millions de pixels très très impressionnant. Je vous en parle donc dans quelques minutes, ce sera aux alentours de 10h37. Je commence à prendre du retard, ça m'avait manqué également. Niveau musique, voici ce qui arrive avec dans quelques instants Years and Years avec Starstruck. Et le premier classique musical de la case du week-end sera Talk Talk. It's My Life arrive avant 11h sur Radio Antigone. Mais pour l'instant, voici une artiste française avec un titre issu de son album de 2018 nommé 5 Victoires. Artiste qui vient de sortir un nouvel album. Voici Clara Luciani avec Eddie tout de suite. Bonne matinée. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien. Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Les vrais amours sont muets. Tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire. Sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait, je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis. Non, ne dis rien et dis rien. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Clara Luciani, c'était Edith sur Radio Antigone. Radio Antigone. Les actus du numérique. Et pour cette première chronique numérique de l'année, je m'adresse principalement à tous les fanats de photos. Depuis l'apparition des smartphones et de leurs objectifs bien performants, vous avez totalement ou presque délaissé les appareils photo traditionnels ou numériques. Cette tendance risque de continuer puisque les évolutions prévues pour des appareils de petite taille comme les téléphones continuent encore et encore. Cette semaine, Samsung a en effet dévoilé un nouveau capteur de, tenez-vous bien, 200 millions de pixels, soit presque deux fois plus que la précédente innovation de la marque qui avait déjà fait une grande impression. Ce nouveau capteur haute performance permettra aux utilisateurs de prendre des photos d'une qualité supplémentaire, mais également de renier ou redimensionner ces photos sans pour autant dégrader significativement cette qualité. Par ailleurs, le capteur intègre également une version améliorée du pixel binning qui consiste à combiner des pixels adjacents sur un seul pixel afin de capter plus de lumière et donc d'améliorer les photos de nuit ou dans un environnement sombre. Sur ce capteur photo, la technique est même supérieure avec une autre technologie nommée cette fois Chameleon Cell qui permet ici, dans des conditions de prise de vue que je viens de vous citer, de faire des photos de 12,5 millions de pixels, ce qui est déjà pas mal, surtout pour des photos de nuit. Pour l'heure, aucune information concernant les appareils qui seront dotés de ce capteur, mais pour ceux qui redoutent que celui-ci soit implémenté sur des téléphones extrêmement chers, sachez que Samsung a également présenté un capteur de 50 millions de pixels, ce qui est déjà pas mal et qui a pour innovation un autofocus amélioré. Chronique réalisée grâce à un article de presse citron.net. Voilà pour cette chronique numérique. Chronique numérique qui revient dans une heure, bien sûr. Et là, on va partir du côté des entreprises pour parler des jumeaux numériques avec la SNCF dans une heure dans les actus du numérique. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. merci de nous écouter. La case du week-end continue avec l'éphéméride dans un instant. Après Years and Years, Starstruck. I feel like all these people in this room don't shine like you. If I could bottle you up, I would sip you like cosmic juice. So give me that good love all night. Don't need your cash, I got my own to spend it on you if I like. If you wanna dance, baby, let's dance. We can dream. Reason why I can't speak, think, or stop staring at you glow. I wanna tell you everything that's on my mind, baby, even if I choke. Years and Years. C'était Starstruck sur Radio Antigone dans la case du week-end. L'éphéméride. Je suis désolé, ça ne s'est pas amélioré, la prononciation de l'anglais des artistes et des titres. Alors, l'éphéméride, nous sommes le samedi 4 septembre 2021. Et oui, déjà. C'est déjà la 247e journée de l'année. Voilà, le 247e jour de l'année. Et à l'époque du calendrier républicain, c'était le 18e jour du mois du Fructidor. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'habitude dans un éphéméride? Eh bien, je ne sais plus. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. On commence avec quelques événements s'étant déroulés des 4 septembre 2021. Avec notamment... Non, mais parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai préparé totalement dans le désordre par rapport à ce que je fais habituellement. Mais bon, ce n'est rien, on va continuer comme ça. Quelques événements s'étant donc déroulés un 4 septembre. Le 4 septembre, 1870, la Troisième République est proclamée, puisque deux jours avant, Napoléon III a capitulé à Sedan face aux armées allemandes. Apprenant la nouvelle, les Parisiens ont donc envahi le palais Bourbon et exigé l'instauration de la République. La Troisième République est donc né deux jours plus tard, c'était le 4 septembre 1870. Un autre événement, et oui, la Convention de Londres a été signée le 4 septembre 1914, et c'est un accord par lequel, les alliés de la Première Guerre mondiale s'engagent à ne pas conclure une paix séparée. Et un petit dernier événement, en 2000, le 4 septembre 2000, les radios locales de Radio France se changent de nom, le réseau régional s'appelle désormais France Bleu, et là, si j'avais bien préparé mes chroniques, j'aurais eu un jingle France 2 qui aurait été pas loin, mais comme je prépare mal mes chroniques, ce n'est pas le cas. Je vous le prépare pour la fin de la chronique. Passons aux anniversaires, et oui, qui est né et qui fête son anniversaire aujourd'hui? Eh bien, je vous propose de commencer par un dessin animé, la série télévisée d'animation franco-canado-allemande, La Famille Pirate, dont le premier épisode a été diffusé un 4 septembre, c'était en 1999, une série de 4 épisodes de 26 minutes créé par Stéphane Bernasconi, Béatrice Marmoutet, Yves Coulon et Fabrice Parme, qui a donc été diffusé en 1999, une série que les personnes de ma génération doivent très certainement connaître. Autres anniversaires, celui de la chanteuse Beyoncé, qui est née en 1981 et qui a donc 40 ans aujourd'hui. Et on termine avec l'artiste Loulou Doualon, qui est une artiste diffusée sur Radio Antigone. Plusieurs titres de cet artiste sont en playlist. Bon anniversaire à elle, et elle a 39 ans aujourd'hui. Pour terminer cette chronique, eh bien, je vous propose quoi? Eh bien, quelques journées mondiales, bien sûr. 3 journées mondiales aujourd'hui, en ce 4 septembre. C'est la journée mondiale de sensibilisation aux vautours, les vautours qui sont victimes de désinformation et souvent présentés comme des animaux nuisibles. Or, ce n'est pas le cas, et cette journée mondiale a pour but justement de permettre une meilleure connaissance de cet animal et de proposer de nombreux événements et d'occasions de découverte. Deuxième journée mondiale, celle de la barbe, voilà. Et on termine avec aujourd'hui la journée mondiale de la santé sexuelle. Voilà pour votre éphéméride. Je n'ai toujours pas le jingle France Bleu, puisque quand je parle, j'ai du mal à faire deux choses même temps, mais ce n'est rien, je vais le faire à la voix. France Bleu, Bleu, France Bleu. Le classique de la case du week-end. Et le jingle qui n'a pas voulu me sauver, qui n'a donc pas voulu démarrer pour me sauver de cette imitation du jingle France Bleu, totalement raté, et je m'en excuse. Allez, on part en musique, donc avec un classique musical que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. C'est Talk Talk avec It's My Life. Money. Thank you. Merci de nous écouter sur Radio Antigone. C'était It's My Life, Talk Talk, à l'instant sur la radio Avif. Radio Antigone. Les actus des médias. Il m'avait manqué ce jingle, dis donc. Oh là là, qu'il est bon ce jingle composé par Morgane exclusivement pour Radio Antigone. Merci encore à elle. Alors, pour ces premières actus des médias de l'année, je vous propose d'aller sur TF1, puisque le groupe TF1, diffuseur historique des Coupes du Monde de rugby depuis 1991, a annoncé cette semaine, eh bien, avoir renouvelé son partenariat avec World Rugby. Les deux partenaires se sont donc félicités cette semaine d'avoir conclu un accord pour l'intégralité des droits de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. Ce sera du 8 septembre au 28 octobre. La Coupe du Monde de rugby de 2021 qui se jouera en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022 sera elle aussi diffusée sur les antennes du groupe TF1. Avec cet accord, TF1, je cite, réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre. Précision, hein, fin de citation, voilà, je précise, précision, c'est pas forcément eux qui diffusent le plus de sport, même si oui, d'accord, ils diffusent quelques événements sportifs. Alors, que peut-on dire d'autre pour plus de précision? Le coup d'envoi de la compétition de la Coupe du Monde de rugby de 2023 qui se déroulera donc en France sera donné au Stade de France pour un match qui verra s'affronter le 15 de France et les All Blacks, un gros match donc. Il y aura ensuite 10 villes hautes et 9 stades qui vont accueillir la compétition. Le groupe TF1 s'est donc fier de mettre à l'honneur l'équipe de France. L'accord permet également de renforcer la couverture du sport féminin et de proposer sur ses antennes la prochaine Coupe du Monde de rugby féminine. Donc après le succès de la Coupe du Monde féminine de football en 2019, TF1 souhaite donc diffuser d'autres événements sportifs féminins. Ça sera notamment le cas pour le rugby, mais également pour les championnats du monde et d'Europe féminin de handball 2022, qui sera donc une année très riche pour les scores, pour les sports collectifs féminins sur les antennes du groupe TF1. Voilà pour toutes ces indications concernant ce qui arrive du côté de TF1 pour le rugby. Voilà. Dans une demi-heure, on va rester un petit peu sur le groupe TF1, parler des nouveautés de la rentrée, notamment de la nouvelle matinale de LCI, mais on ira également sur d'autres chaînes pour parler donc nouveautés de cette rentrée des médias 2021-2022. 10h56 tout pile sur Radio Antigone. Je vous propose de repartir en musique dès maintenant. Dans moins de 4 minutes, vous aurez droit à un nouveau point sur toute l'actualité et ainsi que la météo. Gorillaz, Dirty Harry tout de suite. Yeah. Jackson. I changed the whole location to a pine box, six under. Impulse of glass, wild wonder. Orders give the meaning, strike and I'm thunder. While lightning blasts reflexes on constant alert from the constant hurt that seems limitless with no drop of pressure. Seems like everybody's out to test until they see you break. You can't conceal the hate that consumes you. I'm the reason why you flip your Sousa. Chill with your old lady at the tilt. I got a 90 day stitching and I'm filled with guilt from things done and seen. Your water's from a bottle, mine's from a canteen. At night I hear the shots ring, storm a light sleeper. Cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, baby, to him I'm just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance. Man, all I wanna do is dance. Applaudissements, dis donc, ils sont pas mal ces applaudissements. Nathan, de 2005 quand même, bah dis donc, ils ont bien résisté, ça fait long, hein, des applaudissements de 2005. Gorillaz, bref, ça ne s'améliore pas, comme je vous ai dit. Dirty Harry, à l'instant sur Radio Antigone. Radio Antigone. Soyez les bienvenus, restez avec nous, la case du week-end continue avec l'archive pub dans un instant. Il est 11h. À vous. Inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Vite que je reprenne ma feuille, puisqu'il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actu. Je vous explique, j'ai eu un petit problème avec mon PC, donc eh bien j'ai perdu la feuille. Alors excusez-moi, voilà, là j'ai fait autre chose qui a fait que je me suis arrêté pendant un petit moment. Je reprends donc mon document avec le flash et je vous propose de commencer par Arnaud Montebourg qui devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle cet après-midi. Elle se fera cette annonce depuis la Vienne. L'ancien socialiste devrait également dévoiler une partie de son programme. Un millier de sans-abri qui campaient devant la préfecture d'Île-de-France depuis 3 jours ont été évacués. Ils attendent à présent d'être mis à l'abri. 5 ou 6 milliards d'euros, c'est le prix que devraient coûter les tests de dépistage Covid d'ici à la fin de l'année. Rappelons que ces tests deviendront payants dès la mi-octobre, sauf en cas de prescription bien sûr. L'objectif est d'inciter à la vaccination. L'ONU va convoquer le 13 septembre prochain une réunion concernant l'aide humanitaire en Afghanistan. Elle se tiendra à Genève. Les Nations Unies estiment que le pays fait face à une catastrophe humanitaire imminente en raison du conflit prolongé, d'une grave sécheresse ainsi que de la pandémie de Covid-19. Point sur l'actualité. Prochain point sur l'actualité, pardon, c'est à 11h30. La météo mitigée aujourd'hui. Et oui, alors du coup, j'ai aussi perdu mon bulletin météo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, des Ardennes à la Lorraine jusqu'en Alsace, malgré quelques nuages passagers, les conditions sont encore calmes et ensoleillées ce matin. Ailleurs, les passages nuageux dominent et des averses sont au menu. En Corse, le ciel est dégagé, mais rapidement, l'instabilité va se développer à partir du relief. Les orages vont déborder ensuite vers le littoral. centrale, de l'ouest de la Bretagne au bassin parisien, à tout le centre du pays, au massif central et sur les régions alpines. Et après quelques ondées matinales, les averses vont se multiplier et vont se renforcer cet après-midi, parfois accompagnées d'orages. En bordure de la Manche et de l'ouest de la Bretagne aux côtes d'Atlantique, au sud de la Garonne, après une matinée sous quelques grisailles matinales, le ciel variable va offrir de belles éclaircies. Quelques ondées sont tout de même possibles, mais elles restent éparses. En revanche, le risque d'averses orageuses se développe sur l'est des Pyrénées. Localement, sous un orage peu mobile, les cumuls de pluie peuvent être importants. Et sur l'arc méditerranéen, après les pluies orageuses de la veille, les conditions vont s'arranger, mais les passages nuageux élevés seront tout de même importants, mais de moins en moins. Du côté des températures, eh bien, comptez cet après-midi des valeurs comprises entre 16 et 21 degrés, même 23 degrés, ça c'est pour Nice, 21 degrés pour Ajaccio, 18 degrés à Auxerre, 17 degrés à Limoges et 18 degrés à Cherbourg. Voilà, on est tout dans cette marge de température entre donc 16 et 23 degrés. C'est quand même assez petit, avec donc quelques nuages, mais du soleil présent malgré quelques averses. Voilà pour cette météo. Retour de la météo tout à l'heure à 11h30, bien sûr. J'ai un petit peu de retard, mais ce n'est rien. La suite de la case du week-end, c'est tout de suite. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être encore avec nous pour cette case du week-end qui se poursuit sur Radio Antigone avec l'Archive Pub et le Musicator 2000 dans un instant. Archive Pub improvisée, voilà, que je n'ai malheureusement pas pu préparer, mais ça, il faut pas que je le dise, voilà, il faut pas que je le dise. Et le Musicator 2000, eh bien, c'est le principe que ça soit improvisé, puisqu'on va en direct sur une radio d'un autre pays pour écouter la musique diffusée actuellement. Bon, bref, je vous réexplique ça après pour les nouveaux auditeurs. Niveau musique, voici ce qui arrive dans les prochaines minutes dans la case du week-end de Radio Antigone. Nous allons tout d'abord écouter, eh bien tiens, j'en parlais tout à l'heure, c'est son anniversaire, et c'est par hasard hein, qu'elle est programmée aujourd'hui, Lou Dwallon avec I See You. I see you in every cab that goes by in the strangers. Ah mais c'est vraiment du hasard, hein. Je l'avais programmé, c'est pour ça que je me suis souvenu qu'elle était dans la playlist de Radio Antigone, mais bon, je ne pensais pas que c'était son anniversaire aujourd'hui. Eh bien j'en ai parlé dans l'éphéméride il y a un peu plus de 15 minutes, c'est donc son anniversaire aujourd'hui. Lui, ce n'est pas forcément son anniversaire, mais il sera quand même présent sur Radio Antigone, ce sera Toby Romeo. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. Where the lights are low, Toby Romeo sur Radio Antigone dans quelques minutes. Et puis là, on va voir si j'ai de la mémoire sur ce que j'ai programmé. Nous écouterons, ça sera le prochain classique musical, Aretha Franklin, pardon, avec Respect. What you want? Ça arrive juste avant, bien sûr, juste avant midi, c'est quand même mieux, dans la quasi-weekend de Radio Antigone, puisque vous le savez, nous écoutons de grands classiques musicaux. 11h07, j'ai du retard à ne plus le compter, mais ce n'est rien, puisque voilà le nouveau jingle de l'Archive Pub, pour l'Archive Pub, bien sûr. L'Archive Pub. Il est bon quand même ce nouveau jingle, un peu plus long, voilà, il me laisse plus de temps de respirer, parce qu'avant j'avais 1 seconde 5, voilà, littéralement c'était tut et c'était terminé, voilà, je m'exagère même pas. Alors, pour cette archive pub, repartons en 1985, j'ai toujours, eh bien, ma page de publicité d'Antenne 2 de 1985, voilà, et que je n'ai pas encore fini de diffuser, et donc je vous propose de partir à un endroit un peu au hasard, on va partir d'ici, voilà, et puis on va écouter... Quelle est cette vieille publicité ? Canon T70, premier réflexe motorisé avec écran de contrôle. Programme standard, exposition parfaite. Programme téléobjectif, net. Programme grand angle. Contre-jour difficile, mesure sélective de la lumière. Canon T70, les nouvelles images. Voilà pour cette publicité pour cet appareil photo Canon. Alors, ça tombe bien parce que tout à l'heure, eh bien, on va parler justement... Non, on a parlé, pardon, tout à l'heure dans les actus du numérique de capteurs photo, voilà, avec Samsung qui nous a sorti un nouveau capteur de 200 millions de pixels. Eh bien, voilà, c'est un bon hasard de parler de ce Canon B70, si j'ai bien entendu, ou P70, voilà, j'ai cru entendre P70, mais je ne le trouve pas, donc je sais pas à quoi il ressemble. En tout cas, Canon, eh bien, c'est une entreprise d'origine japonaise, et oui, créée en 1993 par le laboratoire de recherche Precision Optical Instrument Laboratory, qui est créé du côté de Tokyo. Le but est de concevoir des appareils photo de qualité, et c'est en 1934, soit un an après, que le premier appareil photo japonais 24x36 à obturateur focal, le prototype de Quanon, est sorti et donc fabriqué. En 1947, la société devient Canon Camera Co. Inc. Et en 1949, les actions Canon sont cotées à la bourse de Tokyo. Et puis depuis, Canon, hein, c'est bien sûr très très connu. Ça continue à fonctionner. Sachez que par exemple, en 2018, eh bien, le chiffre d'affaires de Canon a été de presque 4 millions d'euros. Voilà, tout simplement, c'est quand même gigantesque. Voilà, on peut féliciter cette entreprise qui a différents actionnaires, hein, maintenant. Canon Inc. est actionnaire à 20%, mais il y a plein d'autres petits actionnaires. 3,46% par exemple pour Nomura Asset Management. Bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais en tout cas, Canon est une entreprise qui continue à fonctionner, qui est tente de se renouveler, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on utilise surtout eh bien, nos téléphones pour prendre des photos. Ça, c'est en tout cas pour l'utilisation du grand public. Voilà pour cet archive pub. Et là, je vous propose qu'on passe à une chronique un petit peu plus compliquée à aménager, puisqu'elle doit se faire à la va-vite, c'est le principe. Le Musicateur 2000. Ah, alors attendez, si je remettais le son, peut-être, je dis bien peut-être que ça pourrait être un peu plus pratique. Le Musicateur 2000. Et aujourd'hui, nous partons où ? Eh bien, nous partons en Espagne, oui. Partons sur Rock FM en Espagne. Je vous rappelle tout de même le principe du Musicateur 2000. C'est très simple, nous écoutons une musique actuellement diffusée sur une radio d'un autre pays. Et aujourd'hui, eh bien sûr, Rock FM, c'est un titre qui doit faire partie de la playlist de Radio Antigone qui est actuellement diffusée. Il s'agit de Light My Fire de The Doors. Eh bien, vous savez quoi, on l'écoute du coup. Bah oui, c'est le principe du Musicateur 2000. Je ne choisis pas la musique. Eh bien, elle est diffusée par rapport à ce qui est diffusé actuellement sur une radio d'un autre pays, la radio espagnole Rock FM, qui vous propose les Doors avec Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Radio Antigone. The Doors avec Light My Fire, c'est le contenu du Musicator 2000, une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous étions en Espagne sur Rock FM aujourd'hui pour donc Light My Fire, c'est The Doors. 10h, midi, la case du week-end. Et nous repartons dès maintenant en musique avec Loudoyon, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voici I See You. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. Every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio Antigone. Vous venez d'écouter I See You, c'était Loudoyon. Radio Antigone, le programme télé. Allez, le programme télé, on est parti donc pour ce programme. Est-ce que mon petit bête, parce que c'est les petites nouveautés de cette année, une petite ambiance musicale en fond. Dans tous les cas, voilà, normalement, vous devriez l'entendre. En tout cas, j'espère, le programme télé, le premier de cette année. On ne perd pas les bonnes habitudes et on commence par TF1, qui vous propose la chanson secrète à partir de 21h05, suivi de la chanson secrète, le live, à 23h40. Sur France 2, à 21h10, la fête de la chanson à l'Oriental. Et le retour non est en direct avec Laurent Ruquier et Léa Salamé pour cette saison. C'est à 23h20 en direct, bien sûr, d'où le nom de l'émission. Sur France 3, Meurtre au pays Qatar. Sur Canal Plus, du top 14 avec Toulon qui affronte Montpellier. Sur France 5, Échappée belle, direction l'Australie du Sud aujourd'hui. Sur M6, du sport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'Ukraine affronte la France à 20h35. Sur Arte, tout en camant le trésor redécouvert à 20h50. Sur C8, rediffusion de plusieurs numéros d'enquête sous haute tension. Sur W9, inédit la petite histoire de France à partir de 21h05. Sur TMC, et là vous vous en doutez, ce sont des rediffusions, Colombo. Sur TFX à 21h05, chronique criminelle. Sur NRJ12, moderne family à 21h05. Sur LCP, public Sénat, les neiges du Kilimandjaro, c'est une rediffusion. Et c'est suivi à 23h d'un documentaire consacré à Jane Fonda, une femme passionnée et passionnante. Sur France 4, ou plutôt à cette heure-là sur Culture Box, canal 14 de la TNT, Gala Petica. Sur C-Star, les enquêtes paranormales suivies de Ghost Adventure. Sur Gulli, eh bien, tout le monde danse suivi de Tout le monde en vacances. Sur TF1 Série Film, canal 20 de la TNT, rediffusion de Joséphine Ange Gardien. Sur la chaîne 21, sur la chaîne L'Équipe, pardon, les Jeux Paralympiques à partir de 20h50. Sister vous propose des rediffusions d'Hawaï 5-0. RMC Story vous propose un numéro inédit des pires accidents de la route. Accrochage en cascade, c'est le nom de l'épisode du jour. Sur RMC Découverte, j'irai dormir chez vous. Et puis sur Chéri 25, Call the Midwife, les héroïnes de l'ombre. Sachez eh bien ce que sur France Info vous avez ce soir, France Info Canal 27, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Cuny et ses débats de l'écho pour le premier numéro de la saison. Voilà pour ce programme télé, on poursuit cette case du week-end de Radio Antigone. Radio Antigone, 10h midi, la case du week-end. Voici tout de suite Toby Romeo, Where the Lights Are Low. Come and meet me where the lights are low. I'll keep it secret. Oh my, my. I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. Oh my, my. We should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it. You every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. She say, let's do this. Oh my, my. A little less talking, a little more lips on my. Let's get into it. Oh my, my. I know I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, whoa. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. Na na na. Come and meet me where the lights are low. nights alone. Sur Radio Antigone, c'était Toby Romeo avec Felix Jen et Full Harbor, Where the Lights Are Low. Aujourd'hui, l'économie. Deuxième chronique économique de la saison, et les apiculteurs français qui sont confrontés à une crise historique. À cause du dérèglement climatique, la production de miel devrait être particulièrement basse en 2021. La France ne fait pas figure d'exception. Cette année, plusieurs pays frappés par la sécheresse et les incendies vont eux aussi subir une baisse de leur production de miel, comme nous l'explique Altin Lazage. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Selon l'Union nationale de l'apiculture française, en 2021, la production de miel en France devrait chuter de l'ordre de 60 à 90% par rapport à celle de l'année dernière. Le vice-président du syndicat, Dominique Senna, estime que la production devrait être largement en dessous de 10 000 tonnes cette année. Cette hécatombe est due au dérèglement climatique. Les 6 premiers mois de l'année ont été marqués par de fortes gelées au printemps qui ont freiné la floraison et le développement des colonies d'abeilles. Ensuite, les pluies excessives des mois de mai et juin ont réduit la production de nectar et empêché les abeilles de sortir des ruches. Fait exceptionnel, cette pénurie de miel contraint les apiculteurs à nourrir les abeilles avec du sucre et du sirop de glucose. Cette perte de production va obligatoirement pousser les prix du miel vers la hausse. Au niveau mondial, la production de miel devrait également baisser cette année. En Turquie, deuxième producteur mondial, les apiculteurs souffrent de la sécheresse et des incendies qui ont ravagé la végétation et des forêts entières. Un phénomène que connaissent d'autres grands producteurs comme les États-Unis, sixième mondial. Dans le Dakota du Nord, principal état producteur de miel aux États-Unis, la récolte sera inférieure cette année en raison de la sécheresse. Un contexte qui pourrait favoriser une hausse des exportations du miel en provenance de Chine, premier producteur et exportateur mondial. Un miel souvent montré du doigt par les apiculteurs européens qui le considèrent frauduleux en raison d'ajouts de sucre. Ils appellent les consommateurs à plus de vigilance au moment de leur achat. Merci beaucoup, Altine Lazage. Et effectivement, c'est mieux d'acheter du vrai miel. Mais bon, ça c'est un autre débat, bien sûr. Bienvenue sur Radio Antigone. Il est 11h30. Radio Antigone. La case du week-end qui continue avec les actus du numérique, les actus du sport, les actus des médias et les sorties jeux vidéo. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Oups, je viens de dévoiler la nouvelle chronique du samedi. Oh là là, j'ai pas fait exprès. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais avant tout ce beau programme, un point sur l'info. Et avec, pour commencer, Arnaud Montebourg, qui devrait dévoiler sa candidature à la présidentielle 2022 cet après-midi. Il est dans la Vienne et il devrait également dévoiler une partie de son programme. Ces arrestations maintenant qui concernent les violences récentes à Marseille. Trois hommes ont été placés en garde à vue, parmi eux une figure du narco-banditisme, Kamel Mediani, qui serait à l'origine de plusieurs règlements de compte rien qu'au mois de juin. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour assassinat et trafic de drogue. Les milliers de sans-abri qui campaient devant la préfecture d'Île-de-France depuis trois jours ont été évacués. Ils attendent à présent d'être mis à l'abri. Un chiffre maintenant, 5 à 6 milliards, c'est le nombre d'euros, le prix que devraient coûter les tests de dépistage Covid-19 d'ici à la fin de l'année. Ces tests deviendront payants dès la mi-octobre, sauf en cas de prescription, afin notamment d'inciter à la vaccination. Et on termine avec l'ONU qui va convoquer le 13 septembre prochain une réunion concernant l'aide humanitaire en Afghanistan. Elle se tiendra à Genève. Les Nations Unies estiment que le pays fait face à une catastrophe humanitaire imminente en raison du conflit prolongé, d'une grave sécheresse et de la pandémie de Covid-19. Prochain point sur l'actualité, eh bien c'est le Radio Journal tout à l'heure à midi avec nos partenaires RFI. Et pour l'heure, c'est la météo, avant la dernière demi-heure de la case du week-end. Météo, eh bien c'est pas folichon, hein, nous dit Météo France. Nuages et averses, orages cet après-midi avec localement de fortes pluies. Des Ardennes à la Lorraine jusqu'à l'Alsace, malgré quelques nuages passagers, les conditions sont encore calmes et ensoleillées ce matin. Voilà, quelques averses sont également malheureusement à prévoir. Du côté des températures, eh bien les minimales sont quasi stationnaires, affichant 12 à 19 degrés. En général, localement 10 à 11 dans le Grand Est et le Massif Central, 17 à 20 degrés près de la Méditerranée, jusqu'à 22 degrés en Corse. Les maximales vont de 21 à 25 degrés près de la Manche et vers le Massif Central. Et elles peuvent atteindre 24 à 28 degrés sur le reste du pays, ou encore, même mieux, 29 à 30 degrés localement en Provence ou encore en Corse. J'ai souvent dit encore, j'ai l'impression, mais ce n'est rien. 11h33, eh bien je suis à la seconde près à l'heure pour la suite de la case du week-end. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et si vous nous rejoignez ou que vous découvrez cette émission, bienvenue dans cette zone de bonne humeur, de détente, de musique, d'infos et de chroniques en tout genre. Notamment les actus du numérique qui arrivent dans quelques instants et nous allons parler de jumeaux numériques. Voilà, on va changer un petit peu de perspective et parler plus du numérique au point de vue des entreprises pour cette chronique. Il y aura également les actus du sport, un nouveau classique musical avec Aretha Franklin qui arrive. Trois autres artistes se préparent. Il s'agit de Justin Bieber, Daniel Cazard et Guy Veon pour Peaches. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Il y aura également une nouvelle chronique juste avant midi pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes avant le flash. Eh bien, je l'ai dévoilée sans faire exprès cette nouvelle chronique. Ah bah elle est sortie toute seule. Je l'ai sortie toute seule. C'est de ma faute aussi, j'ai dit l'heure avant le top horaire, donc je ne savais pas quoi dire. Et du coup, la chronique est sortie. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, eh bien, restez bien là jusqu'à midi pour découvrir cette nouvelle chronique qui sera juste après les actus des médias que je n'ai pas encore annoncé pour cette dernière demi-heure. On repart en musique tout de suite avant donc de parler numérique avec une chronique qui est prête. Elle est écrite, elle est toute prête. Voilà. Voici tout de suite Phoenix avec Fences, donc qui nous parle de barrières, si je traduis bien, si je parle bien anglais. D'être avec nous sur Radio Antigone. Phoenix, c'était Fences à l'instant. Radio Antigone, les actus du numérique. effectivement, les actus du numérique. Le numérique, oui, bien sûr. Le numérique, donc, qui est souvent au service d'un utilisateur lambda. Mais pour cette chronique, je vous propose de prendre une autre perspective et de parler du numérique au service des entreprises. Pour cela, penchons-nous sur la SNCF, qui a inauguré il y a 2 jours la première phase opérationnelle d'un projet de BIM, Building Information Modeling. Ce projet sera, à terme, dédié à la gestion, la maintenance et l'exploitation des infrastructures de la société ferroviaire. Le projet consiste en la création de jumeaux numériques des différentes structures. Des jumeaux numériques, ce sont des répliques numériques d'objets, de processus ou de systèmes qui sont utilisés à des fins de test. Un concept pas vraiment nouveau qui existe, ou en tout cas son ancêtre ayant conduit à cette technologie, qui existe donc depuis les années 70 et que la NASA a notamment utilisé pour le programme Apollo. Ces jumeaux permettent par exemple de faire des simulations et apprennent d'eux-mêmes grâce à l'intelligence artificielle. Dans le cas de la gare test de Toulouse-Mirabeau, il a fallu, tenez-vous bien, plus de 6 mois pour réaliser cette modélisation. Le jumeau numérique de cette gare de 15 000 carrés contient tous les bâtiments, les différents réseaux d'eau, d'éclairage, de chauffage ou encore de climatisation. Selon Marlène Dolvec, directrice générale de SNCF Gare et Connexion, l'ambition est, je cite, de révolutionner le fonctionnement de nos plus grandes gares grâce à une approche industrielle basée sur des maquettes numériques pour permettre à nos agents et au personnel des entreprises partenaires d'accéder à l'ensemble des informations et de partager toutes les données pour une exploitation plus rationnelle de nos installations. D'ici fin 2021, le dispositif devrait être déployé dans 10 gares bretonnes. L'objectif est de tester la plateforme dans une configuration de réseau territorial de jumeaux numériques et donc à l'échelle d'une région. Par ailleurs, la SNCF et son partenaire sur le projet n'excluent pas d'exporter cette technologie à l'international. Voilà pour cette chronique numérique consacrée donc aux jumeaux numériques. 10h, midi, la case du week-end. Nous repartons en musique avec un titre datant de 2021, juste avant l'été, Justin Bieber, Daniel Kazar et Guy Veon. Voici Peaches tout de suite. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. And I see you, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold. Peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. I get the feeling so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been, oh. Don't be distracted. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. My light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Justin Bieber avec Daniel Cazard et Giveon. C'était Peaches à l'instant sur Radio Antigone dans la case du week-end. Nous retrouvons notre partenaire RFI tout de suite. Avec Tom Rossi et du football à la une. Et pardon, excusez-moi, je vais y arriver, il faut que je m'habitue à ma nouvelle installation, voilà, la nouvelle façon de lancer cette chronique sportive, chronique beaucoup plus professionnelle que l'année dernière, qui est donc proposée par nos partenaires RFI. Que je ne vais toujours pas réussir à lancer. Voici la chronique sportive. Voilà, on retrouve donc notre partenaire RFI, Nathalie Amar et le journaliste sport de RFI. Si je rallume le son, voilà. Alors je vous ai promis une chronique beaucoup plus pro, mais là ce n'est pas le cas. Voilà, clairement je me rate, donc je vais le faire, voilà. Et voici donc la chronique sport dès maintenant avec Nathalie Amar. Avec Tom Rossi et du football à la une en plein cœur de la fenêtre internationale avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sur tous les continents. En Europe, l'équipe de France veut retrouver le goût de la victoire. Et les Bleus restent sur 4 matchs sans victoire. Cela n'était plus arrivé depuis 8 ans. L'élimination en 8e de finale de l'Euro, puis le match nul décevant face à la Bosnie-Herzégovine il y a 3 jours. L'équipe de France veut repartir de l'avant, conforter sa place de leader de son groupe de qualification devant l'Ukraine, adversaire du jour. Coup d'envoi 18h45, temps universel à Kiev, et ce sera sans Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a quitté le groupe jeudi. Son sélectionneur Didier Deschamps nous explique pourquoi. Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens où le terme rassurant a été utilisé, mais rassurant dans le sens où ça écarte une rupture de fibre, et là il serait parti sur certainement plusieurs semaines et plus d'un mois probablement. Il avait quelque chose, c'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club au mois de mai. À partir du moment où il n'y a aucune possibilité qu'il puisse être disponible, je vois pas l'intérêt ni pour lui ni pour nous qui reste là, parce que j'aurais pas pu l'utiliser. Les délais sont très courts. Il a un problème qui est musculaire. Et Didier Deschamps qui a plusieurs possibilités pour le remplacer. Anthony Martial de Manchester United ou Kingsley Coman du Bayern Munich. Des propos recueillis par Cédric De Oliveira. En Afrique, c'était la fin de la première journée de ces éliminatoires hier. Avec une victoire du Cameroun à domicile face au Malawi, 2-0. Les Lions, indomptables leaders de leur poule avant d'affronter la Côte d'Ivoire. Lundi, les éléphants tenus en échec 0-0 par le Mozambique. Pas de surprise, victoire du Nigeria face au Liberia, de la Tunisie contre la Guinée équatoriale et du Ghana opposé à l'Éthiopie. Pas de match aujourd'hui, la deuxième journée débute demain. On file à présent à Tokyo, dernier week-end des Jeux Paralympiques. Avec un Français, Lucas Mazur, qui rêve de médaille d'or en badminton, discipline qui fait son entrée au programme des Jeux cette année. Et il a battu son grand rival, l'Indien Tarun, en demi-finale. Un choc qui a épuisé le double champion du monde français de 23 ans, victime d'un AVC il y a 20 ans, qui a entraîné une déficience de sa cheville droite. Lucas Mazur, ému et reconnaissant. Décidé mais heureux, trempé mais heureux, et surtout soutenu les vainqueurs. Merci à tous mes potes, à tous les gens qui me regardent, et c'est aussi pour vous que je combats, j'avance, et demain on se retrouve en finale, et je vais avoir besoin de vous. J'étais vraiment épuisé, et aujourd'hui j'ai réussi à tenir. J'ai abordé ce match comme une finale de championnat du monde. Je voulais écrire l'histoire, et pour l'instant elle n'est pas encore écrite. Je continue de l'écrire, et j'espère qu'elle s'écrira de la plus belle des manières demain. Tarun m'a offert un énorme combat aujourd'hui, et j'ai dû lutter au plus profond de moi-même pour rester sur le terrain et ne pour jamais abandonner. J'ai flanché, mais j'ai pas plié aujourd'hui, j'en suis très content. Et Lucas Mazur avec Eric Chorin, ce sera donc demain sa finale contre un autre Indien. Un mot d'athlétisme avec les belles revanches de deux femmes forcées de changer de spécialité pour cause d'hyperandrogénie. Un taux de testostérone naturellement trop élevé selon le règlement de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Alors la Namibienne de 18 ans, Christine Boma, est passée du 400 aux 200 mètres. Elle s'est imposée au meeting Ligue de Diamant de Bruxelles hier, un mois après sa médaille d'argent à Tokyo. La Burundaise Francine Niyonsaba, deuxième du 800 mètres au jeu de Rio en 2016, a dû elle aussi passer sur une autre distance, plus longue cette fois. Elle a remporté le 5000 mètres hier à Bruxelles. Et puis un petit mot de perche pour vous dire qu'Armand Duplantis est encore allé très haut hier, 6 mètres 0,5. On termine par du tennis avec deux surprises à l'US Open. Les défaites au troisième tour du grec, troisième mondial Tsitsipas, et de la japonaise tenante du titre Naomi Osaka, battue par des joueurs de 18 ans, l'espagnol Alcaraz et la canadienne Fernandez. Merci Tom Rossi du service des sports de RFI. Et merci à vous également, Nathalie Amard, pour eh bien l'interaction avec Franck pour donc ses actus du sport. Je rajoute pour Armand Duplantis qui est en très grande forme en ce moment, notamment avec une tentative de record du monde la semaine dernière au meeting de Paris. Allez, on continue cette émission avec un classique musical tout de suite. Le classique de la case du week-end. Alors, elle s'appelle Aretha de son prénom, Franklin de son nom de famille. Elle nous propose le respect avec son titre Respect tout de suite. D'être à l'écoute de Radio Antigone avec Aretha Franklin pour ce classique musical, le deuxième classique musical de la case du week-end. C'était Respect. Il est 11h52. Radio Antigone. Les actus des médias. Je vous propose un rapide tour des nouveautés des chaînes d'information en continu, ou en tout cas des chaînes qui se disent d'information en continu, pour eh bien cette rentrée. Les nouveautés de cette rentrée, je vous propose tout d'abord eh bien de partir du côté de LCI, parce que c'est là qu'on a presque les plus gros changements, avec France Info, Canal 27 également. Mais on a de gros changements sur LCI, avec de nombreux recrutements extérieurs, de nombreux journalistes de BFM TV qui ont été recrutés pour LCI, et notamment avec un changement complet pour la matinale de LCI qui se déroule du lundi au jeudi cette saison de 6h à 9h. Elle est présentée par Hélène Manarino et Stéphane Etcheverry avec une interview politique d'Elisabeth Martichou à 8h30. Une matinale donc qui visiblement ne convainc pas puisqu'après une semaine de diffusion, eh bien niveau audience c'est compliqué. Hein. On a reçu donc cette semaine le bilan complet des audiences donc, de la semaine et c'est compliqué. Voilà. voilà, c'était compliqué. La nouvelle matinale de LCI s'est effondrée à moins de 50 000 téléspectateurs, soit 1,5% de part de marché, bien loin de la matinale de France Info qui, elle, réunit plus de 150 000 téléspectateurs avec 5,4% de part de marché, et encore bien plus loin de Télématin qui réunit tout de même quelques 750 000 téléspectateurs et 24,2% de part de marché. La matinale de LCI en grande difficulté donc. Pour être complet sur les audiences des nouvelles matinales, des matinales et en tout cas des nouveautés, BFM TV réunit 480 000 téléspectateurs, presque un demi-million de téléspectateurs, 17% de part de marché. Et CNews réunit 211 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché. La nouvelle matinale de Télématin donc a... on a donc l'impression que pour l'instant ça fonctionne, hein, avec toujours de bonnes audiences, leader de la case, voilà, le matin, une matinale totalement renouvelée avec de nouveaux présentateurs. On en avait parlé la saison dernière, on va pas trop l'évoquer là pour l'instant, mais on en avait parlé, de grosses nouveautés donc pour cette saison de Télématin, un nouveau plateau, un nouvel habillage notamment sonore également, qui fait grincer des dents quelques personnes un peu répétitives, voilà, certaines personnes vont en avoir marre très très rapidement, même si ce n'est pas déjà le cas. C'est du Queen, voilà, une musique selon la conférence de rentrée, qui est une des musiques préférées selon une étude, une musique préférée qui fait du bien et qui réveille, donc c'est pour ça qu'elle a été choisie en tant que générique. Néanmoins, eh bien, de nombreuses personnes, de nombreux téléspectateurs considèrent qu'elle ne correspond pas à l'émission et que toute l'année ça va être très très compliqué à tenir. Pour en revenir à LCI, qui a donc fait de nombreux changements, le 9 vers midi a également totalement changé. Thomas Misrachi de BFM TV a été recruté et est en duo avec Marie-Aline Mélihi. Du côté du 12-15h, c'est Julien Arnaud et Claire Fournier qui reprennent le flambeau de cette tranche. De 15h à 18h, en solo, Bénédicte Le Châtelier, c'est donc une nouveauté. À 18h, 24h, Pujadas est toujours présent, c'est un des seuls rendez-vous qui reste. Et de 22h à minuit, c'est Éric Brunet que vous retrouver avec Julie Hamet. Et j'ai oublié, tout de même, fraîchement débarqué de BFM TV, Rutel Krief, qui récupère le 20h, 22h, qui était auparavant à Darius Rochebain, qui se retrouve notamment le vendredi et le week-end de 20h à 21h, et même jusqu'à minuit, avec eh bien toute la tranche de 22h à minuit. Le but est donc d'ajouter une maîtrise de l'histoire à son talent d'intervieweur, selon le président, selon le groupe TF1. Voilà donc pour ces quelques nouveautés du côté de LCI. On va rapidement aller voir du côté des autres chaînes d'infos en continu. C'est pour ça que je vais pas continuer. Allez, on part ça du côté de CNews. Allez, quand même, on continue. La grande nouveauté de cette année, pas beaucoup de changements dans la grille, c'est la diffusion en simultané sur Europe 1 de l'émission de Laurence Ferrari Punchline. Codiffusion sur Europe 1 donc de 18h à 19h, tandis que l'émission, elle, sur CNews, se déroule de 17h à 19h. Sur France Info, quelques nouveautés avec, à 14h30, ça fait actu, Karine Basta Régis qui est de retour sur le canal 27 de France Info. Du côté eh bien, des tranches, pas beaucoup de changements, Samuel Etienne, mais Clémence Delabaume qui remplace Johanna Giglia pour le 6h30, 8h30 qui s'appelle désormais la matinale. Pour l'instant, voilà, la rentrée n'est pas totalement faite, on a l'impression pour France Info qui laisse peut-être penser à un changement d'habillage, on en reparlera dans une prochaine édition des Actus du Numérique. On termine avec BFM TV, si je l'ai, je crois que je l'ai pas, BFM TV. Ah, c'est bien ça. Si, voilà. Les nouveautés. Le déj de l'info à midi avec Pascal Delatour du Pain. À 16h50, Marshall Truchot, BFM Story avec Alain Marshall et Olivier Truchot. Nouveauté, Yves Calvi qui rejoint BFM TV pour Calvi 3D à 18h50. Natacha Polony a elle aussi rejoint BFM TV pour cette saison avec à 20h son émission Polo News. Et puis à 21h, Ligne Rouge est toujours présent, mais ce ne sera que le lundi avec Aurélie Casse, et toujours avec Aurélie Casse, du mardi au jeudi, c'est BFM News que vous retrouverez. Pas d'autres changements pour BFM TV, pas d'autres changements notables en tout cas à remarquer. Il est 11h58, avant de rendre l'antenne, voici la nouvelle chronique. Les sorties jeux vidéo. Thank you. cette saison. Je vous propose une nouvelle chronique que je vous expliquerai demain, puisque malheureusement à cause de mon toc, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je suis au bout du temps, je dois rendre l'antenne. Excellente journée sur Radio Antigone, à demain. Aïe, désolé, vraiment désolé. La catastrophe. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.